Affaire de la voiture de police brûlée, quai de Valmy. Jour 1. Tout le monde déteste les petites salles. Par Frédéric Lordon. Paru dans Lundi Matin 114, le 24 septembre 2017. Le 19 septembre s'est ouvert au tribunal de grande instance de Paris le procès de l'affaire de la voiture de police brûlée sur les quais de Valmy. Pour couvrir l'événement et s'assurer d'une compréhension plus riche des enjeux de ce procès, Lundi Matin a demandé à des écrivains de suivre et de raconter les audiences. Frédéric Lordon nous raconte cette première journée. À l'entrée de la 14e chambre correctionnelle, les forces de l'ordre organisent le désordre, une vocation. Bien aidé, reconnaissons-le, par la justice elle-même. Mais les deux institutions ne sont-elles pas, au moins localement, en phase de fusion avancée, si quelques-uns en ces lieux y résistent encore comme ils peuvent? En tout cas, un stratège dans les étages du palais a trouvé malin d'attribuer au procès un cagibi en guise de salle d'audience. Visiblement, pour le simple plaisir d'emmerder. C'est que, dans ses rapports avec certaines catégories de la population, la justice-police est une institution qui recèle des trésors de petitesse et de mesquinerie et le tient chevillé au corps le goût de l'humiliation crapoteuse. Ils ne rentreront pas. Voilà ce qu'a probablement pensé le génie des alpages quand il a trouvé dans le planning le placard à balai de ses rêves. En attendant, ce sont des pandores à l'entrée qui prennent la vague. Non sans ajouter leur petite contribution au désordre général, conscience professionnelle et solidarité d'habitus oblige. Le filet des entrées devient goutte à goutte. Riche d'adages populaires, et notamment de celui qui veut que deux fois valent mieux qu'une, les gendarmes fouillent à nouveau tout le monde, quand bien même les gens ont été portiqués d'importance à l'entrée du palais. Le rythme des admissions s'en trouve évidemment modifié dans le sens désiré. On admet les avocats, puis les journalistes dont l'estime publique est ici au plus haut. Il faut reconnaître que la ratification réflexe de la version policière des faits par les médias dominants, leur contribution appuyée à la construction des prévenus en coupables évidents, si ce n'est en monstres meurtriers, décourage la nuance. On en est là. Et forcément, ce qui devait rester de sérénité sur le passage du char de la justice commence à s'évaporer pour de bon. Des camarades des prévenus candidatent au compte-gouttes. Des camarades ouvrent des parapluies pour obstruer le champ de vision des caméras. On se souvient qu'à l'occasion des polémiques sur le voile, des philosophes de service n'avaient pas hésité à convoquer Lévinas et son « éthique du visage découvert ». Si ça n'est pas déjà fait, les cagoules y auront droit à leur tour, car la philosophie de certains philosophes est vraiment une cata. Au passage, on notera bien combien le rodage... J'ai fait un arrêt parce que j'ai décidément du mal avec ces... Au passage, on notera combien le rodage des arguments sur les populations arabes a vocation à déboucher sur des usages élargis. Lévinas enrôlé par les bases de données de la police, c'est quand même un joli tour de force. Champ contre champ. Un camarade des camarades retourne un parapluie sur la tête du juteux qui contrôle l'entrée. Le calot ne tombe pas, mais il s'en fout de peu. Tout le monde commence à beaucoup rire. Et en fait, à faire beaucoup de bruit. C'est le moment où l'affliction qui suivait du renoncement définitif à entrer s'abolit complètement. Car on sent que ça n'est plus dans la salle que ça va se passer, mais dehors. Et de fait, c'est bien là que ça se passe. Parce que tout le monde a compris qu'on ne rentrerait pas, maintenant que la salle est farcie de policiers en civil et de journalistes. Au demeurant, même les avocats, apprend-on, commencent à sérieusement renauder. Car c'est tout juste si le génie des alpages leur a prévu une chaise, en tout cas, pas de table. Une table. Pour tous ceux qui sont à la porte, c'est le Pérou. C'est simplement de donner au mot « procès public » un début de sens qui les préoccupe. Alors ça commence à crier, mais beaucoup, et à beaucoup, parce que, mine de rien, il n'y a pas moins d'une cinquantaine de personnes dehors. On réclame une grande salle, on crie que de la place pour tous ou pas de procès du tout, et puis, forcément, tout le monde déteste les petites salles. Le raffut est tel que la salle d'audience en est toute resonorisée. Dedans, ça tourne à la marmite impossible. Et dehors, c'est comme une découverte. On peut produire des effets en justice sans être invité par la justice. Sans doute des effets de courte portée, sans doute aussi avec le relais des avocats à l'intérieur, mais des effets quand même. Et comme un rappel que la justice, supposément rendue au nom du peuple, aura du mal à s'exercer si ça se met trop de travers avec le peuple. Faire du bruit, c'est interdire physiquement de se tenir à une audience qui ne pouvait plus moralement se tenir. Alors que le report n'est pas encore acquis, un recalé de l'entrée s'exclame avec un ton qui lève toute ambiguïté que c'est un scandale dans un état de droit. Et c'est un immense éclat de rire. Le procès aura lieu, il s'y passera des choses, il faudra les rapporter, mais par cette parole, sa vérité est déjà dite. Dans la France de 2017, l'état de droit n'est plus qu'un sujet de plaisanterie, en fait une énorme blague. Bien sûr, on le sait depuis longtemps, mais tout s'accusant de manière inouïe dans la période présente, les choses prennent maintenant une clarté aveuglante. L'effondrement de légitimité des gouvernants, la coupure méthodique de toutes les médiations, pénibles entraves aux gouvernements séparés auxquels fondamentalement ils aspirent, bref, la faillite intégrale des institutions politiques laisse nécessairement la police seule en charge d'appliquer la politique sociale. Si la dite police avait dessous de jugeote, elle s'aviserait de ce rôle impossible qu'on lui fait tenir et en tirerait quelques conséquences, mais c'est peut-être beaucoup demandé. En tout cas, la situation du jour, c'est qu'il n'est plus possible de gouverner autrement qu'à la police. Ou disons plus précisément à la police-justice. C'est dans cette conjonction que s'avère le naufrage de quoi que ce soit qui pourrait s'appeler état de droit. Dans ce naufrage, en effet, c'est l'État lui-même qui, sous tension, retourne à son fantasme originaire de monolithe qui annule ses différenciations internes pour faire front d'un tout d'un bloc. Sans doute y a-t-il des conditions nationales qui déterminent en chaque cas l'ampleur de cette dédifférenciation. L'intuition suggère que, sous ce rapport, le cas français est très lourdement taré. Pour l'État bloc, en tout cas, renoué avec son essence, presque comme un réflexe d'autoprotection par retour à la matrice, c'est ne plus comprendre sa souveraineté que comme affirmation de son pouvoir d'arbitraire. Dans cette configuration, la justice n'est plus l'affaire de la justice. Son affaire, c'est de châtier. Comme toujours, le retour à la force est un insigne aveu de faiblesse. Mais nous en sommes là. À ce moment, tout est bon pour nourrir la démonstration de la puissance impuissante. Constitution de dossiers sous stéroïdes s'il le faut, chef Maximo à des fins d'intimidation, aléa incompréhensible des audiences de mise en liberté, bref écrasement de ceux qui ont été faits ennemis de l'État, tenir en détention préventive si longtemps des si jeunes gens sur certains desquels pèsent, semble-t-il, des accusations si imparfaitement établies, est le signe d'une intention qui a peu à voir avec la justice, et plutôt avec le fait qu'il y va de l'État, et que ceci, en soi, semble pouvoir justifier, tout justifier, aux yeux des institutions d'État, coalisées dans leur cause commune, en tous les sens du mot « cause ». Ce qui fait les fils de l'homme de Cuaron, un assez bon film dans son genre, c'est qu'il nous montre non seulement une effrayante dystopie, mais également combien elle se laisse engendrer à partir de notre situation présente, moyennant une simple transformation continue, qui plus est d'amplitude assez modeste. Dit autrement, il n'y a que quelques curseurs à pousser, et même pas de beaucoup. C'est quand on réalise cela qu'on a vraiment peur. Et d'une certaine manière, c'est cela que dit déjà ce procès à l'observateur, même s'il n'a pas eu l'occasion d'observer grand-chose. L'abus s'insinue toujours en commençant par les marges. Un pouvoir abusif se rôde à l'abus, d'abord, sur des catégories les plus ségrégées, immigrés, jeunes des quartiers, extrémistes supposés quasiment fous, à côté desquels tous les discours officiels s'escriment à masquer que les vrais extrémistes se comptent bien plutôt parmi ceux qui, très légalement, saccagent la planète, intoxiquent les populations et dévastent l'humanité sous tous les prétextes, le dernier en date étant de l'augmenter. Reprenons. Immigrés puis jeunes des quartiers, puis extrémistes voués à devenir tendanciellement synonymes de jeunes tout court, partis de la périphérie, l'abus amorce déjà son virage au centre, l'abus généralisé d'ailleurs. Car il en va de la politique de répression comme de la politique sociale. Catégorie après catégorie, nous sommes tous candidats à y passer. Et c'est bien cette extension que devraient méditer tous les non-concernés, tous ceux qui se croient encore du bon côté et laissent faire le dégât à distance en se scandalisant avec les images de BFM. C'est qu'on ne peut pas plus se tromper. Ce que l'État abusif commence par faire à quelques-uns, il finit en le faisant à tous. Voilà. C'était donc le texte de Frédéric Lordon sur le premier jour de l'affaire de la voiture de police brûlée au quai de Valmy. Et paru le 24 septembre 2017 dans lundi matin, lundi.am.